une femme de lettres du XVIIe siècle, Madame de Lafayette. Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, comtesse de Lafayette, naquit, en 1632, d'Aymar de Lavergne, maréchal de camp et gouverneur du Havre de Grâce, et de Marie Pénin, d'une ancienne famille de Provence. Il faut croire que cet excellent gouverneur du Havre était un homme particulièrement cultivé, puisqu'il sut deviner dans sa fillette, dès son plus jeune âge, les dispositions précieuses qu'elle possédait et qui lui fit donner une instruction peu habituelle aux jeunes filles de cette époque. Lui-même se chargea de sa formation intellectuelle, et Madame de Lafayette, à qui on reprochera plus tard son cœur un peu sec, ne pouvait cependant raconter sans émotion les promenades qu'elle faisait avec son père dans la campagne du Havre, au cours desquelles cet homme distingué et instruit ne perdait jamais une occasion d'éclairer sa jeune intelligence sur tout ce qu'il voyait autour d'eux. « C'est ainsi, dira-t-elle, que je vis mon esprit s'ouvrir à la compréhension des choses et que par la suite j'ai su regarder et retenir. » Mais le maréchal de camp ne se contenta pas de l'éducation qu'il donnait lui-même à sa fille. Il voulut qu'elle eût encore d'autres maîtres et non les moindres. C'est ainsi qu'il engagea Ménage pour lui enseigner le français et le père Rapin le latin. Une anecdote racontée soit par Madame de Sévigné, soit par Ménage, veut que la petite fille, âgée alors d'une douzaine d'années, trouva seule le véritable sens d'un passage de Cicéron, que chacun de ses maîtres traduisait à sa façon et tous deux faussement. Scarron lira quelques années plus tard que la petite Marie de Lavergne passe pour savante, en même temps qu'elle est toute lumineuse, toute précieuse. Mais elle a grand soin de ne rien faire paraître de sa science ni de son latin, pour ne pas chagriner les autres femmes. D'ailleurs, la jeune fille était trop pratique pour se contenter d'être une pédante. Ce qu'elle désirait, c'est un bon établissement, un bon mariage. Mais les années s'écoulaient, et le prince charmant ne se déclarait pas. C'est alors que des amis amenèrent enfin un mari de Lavergne, un prétendant à la fois riche et bien né, Jean-François Mautier, comte de Lafayette, appartenant à l'une des plus vieilles familles d'Auvergne. Il possédait d'importantes propriétés, était officier dans les armées du roi, mais si l'on en croit les médisants de l'époque, était assez dénué d'esprit. Malgré cette lacune, la pratique jeune fille consentit à prendre cet époux, dont elle avait tout de suite compris l'usage qu'elle devrait en faire, et le 15 février 1655, elle l'épousait en l'église de Saint-Sulpice. Elle eut pour témoin la duchesse d'Aiguillon, sa marraine, et sa grande amie Madame de Sévigné, car il faut remarquer que sous l'Ancien Régime, les femmes avaient le droit de signer à l'état civil. À partir de ce jour, ce brave comte de Lafayette, que son mariage avait fait sortir de l'obscurité, se dépêcha d'y rentrer pour y demeurer jusqu'à sa mort. On dit même que c'est en pensant à lui que La Bruyère a écrit son fameux passage « Il y a telle femme qui s'entend à enterrer son mari au point qu'il n'en ait fait dans le monde aucune mention. » Madame de Lafayette, après avoir assuré sa descendance en ayant deux enfants, se décida, telle la reine des abeilles, à se débarrasser dès lors de son mari, mais elle procéda à cette liquidation avec la décence et l'habileté qu'elle mettait dans toutes ses actions. Elle se borna à l'envoyer en province, sous prétexte qu'il aimait la campagne, et qu'elle ne comprenait que la ville et s'installait elle-même à Paris, où elle vécut de telle façon que nombre de personnes croyaient qu'elle était veuve. Elle vivait seule et maîtresse dans son hôtel de la rue de Vaugirard, et là, tenait bureau d'esprit en été dans son jardin, agrémenté de bosquets et de jets d'eau. En hiver, dans cette fameuse chambre à coucher qui étonnait par son ampleur Madame de Sévigné, et au milieu de laquelle trônait un grand lit galonné d'or. Nous allons assister à l'existence d'une grande dame, d'une intellectuelle du XVIIe siècle. Madame de Lafayette comprit tout de suite qu'elle devait être présentée à la cour. C'était indispensable pour établir la situation qu'elle désirait avoir, mais elle était assez intelligente pour se rendre compte que sa beauté était insuffisante pour lui permettre de briller au premier rang auprès d'un jeune souverain que seul pouvait conquérir l'éclat et la prestance. Elle résolut donc de gagner sa place par d'autres qualités et commença à se faire un salon. Sa fréquentation chez la marquise de Rambouillet lui avait enseigné l'importance que pouvait prendre dans le monde une maîtresse de maison habile et à l'esprit meublé. Or, la divine étant sur son déclin, elle songea à la remplacer et s'évertua à réunir autour d'elle les grands noms et les beaux esprits. Nous allons la voir consacrant sa vie entière à ce but, écrivant des billets quotidiens, pour attirer les uns ou relancer les autres, faisait enfin un choix judicieux des personnages influents dont elle comptait utiliser le crédit. Ses enfants, elle s'en occupa assez peu, il faut l'avouer, durant toute leur prime jeunesse, et nous n'en entendrons plus parler jusqu'au moment où il s'agira de les établir. À ce moment, par exemple, elle se démènera comme un diable pour obtenir, grâce à ses relations amicales, pour l'un un sérieux bénéfice, pour l'autre un grade dans l'armée. Toujours à la recherche de brillantes relations, Madame de Lafayette alla voir un jour dans un couvent de la Visitation de Chaillot la sœur de son mari, la mère Angélique, qui en était la supérieure. Cette mère Angélique était d'ailleurs une femme remarquable. Elle comprit tout de suite le désir de sa belle-sœur et elle lui fit connaître la jeune Henriette d'Angleterre, qui, après avoir traversé les jours douloureux de la Fronde, était venue se réfugier dans son couvent. Henriette d'Angleterre était fille et nièce de roi. On parlait même de la marier à Louis XIV. Il n'en fallait pas autant pour que la toute jeune Madame de Lafayette voulût entreprendre sa conquête. La droite intrigante avait d'ailleurs vu juste en cherchant cette amitié, puisque peu de temps après, Henriette d'Angleterre épousait Monsieur, frère du roi, et sous le nom de Duchesse d'Orléans, devenait en réalité la véritable reine de France. Depuis ce moment, Madame de Lafayette fut lancée. Dans le sillage de son illustre amie, elle prit à la cour la place de premier plan qu'elle ambitionnait depuis longtemps. Mieux encore, elle voulut écrire la vie romanesque que lui racontait chaque jour Henriette d'Angleterre, et celle-ci autorisa avec joie cette publication. Ce furent les débuts de Madame de Lafayette comme femme de lettres. Sa vie de Madame fut son meilleur livre, car la façon dont il était documenté le rendait particulièrement véridique et vivant. Madame de Lafayette était la favorite de Madame, constate tous les mémoires du temps, mais, en femme délicate qu'elle était, elle n'abusait en rien de cette situation privilégiée, se tenant discrètement dans l'ombre de Madame, et ne lui demandant jamais rien, ni pour elle, ni pour aucun des siens. Elle se réservait sans doute, quand un beau jour la triste nouvelle éclata comme un coup de foudre, « Madame se meurt, Madame est morte !» clamait Bossuet, et la douce Henriette disparaissait subitement le 10 juin 1670. La douleur de Madame de Lafayette fut réelle, et en véritable femme de lettres qu'elle était, elle s'en servit pour peindre de façon admirable cette mort dans son livre « Les mémoires d'Henriette d'Angleterre ». Le roi qui aimait sa belle-sœur et souffrit lui aussi de sa mort, n'oublia jamais sa fidèle amie, celle qui avait tenu à son lit de mort sa tête si chère. De là, l'accueil réservé à toutes les requêtes que lui adressa par la suite Madame de Lafayette, et de là aussi, les égards que lui prodigua toujours Louis XIV. C'est grâce à l'appui du souverain qu'elle obtint de nombreux avantages, des pensions et des abbayes. On voit que cette habile personne savait faire marcher de front l'amitié et les affaires. Chez elle continua à fréquenter les personnages les plus distingués dans les lettres, au nombre desquels étaient La Fontaine et Segret. Ce dernier fut même reçu en pension dans sa maison après qu'il fut banni de celle de Mademoiselle pour avoir blâmé son mariage avec Lauzun. Ce fut pendant cette cohabitation qu'elle composa, en collaboration, dit-on, avec Segret, ses romans célèbres de Zaïde et de la princesse de Clèves, qui parurent d'ailleurs sous la signature de Segret. Il n'était pas encore admis à cette époque qu'une femme puisse composer des romans et les signer. C'est pourquoi Madame de Lafayette avait dû prendre ce collaborateur. Mais Segret, honnête homme, ne voulut pourtant pas qu'on ignorât quel était le véritable auteur, et il écrivit de nombreuses lettres publiques dans lesquelles il fit savoir « La princesse de Clèves est de Madame de Lafayette. Zaïde est aussi d'elle. Il est vrai que j'y ai eu quelque part, mais seulement pour la disposition du roman. » Tout le monde littéraire de l'époque s'accorde d'ailleurs à trouver à Madame de Lafayette un incontestable mérite. C'est Boileau, le difficile critique, qui dit d'elle « Madame de Lafayette est la femme qui écrit le mieux et qui a le plus d'esprit. » C'est La Fontaine qui lui envoie des vers élogieux. « Enfin, c'est Madame de Sévigné qui l'aime, dit-elle, autant qu'elle en était capable. « Résolvez-vous, ma toute belle, lui écrivait-elle un jour, à me voir soutenir toute ma vie à la pointe de mon éloquence que je vous aime encore plus que vous m'aimez. » Notre comtesse, on le voit, a donc réalisé son rêve. Elle est bien installée dans son luxueux hôtel du Faubourg. Elle constitue le centre et l'animatrice d'une société choisie et nombreuse. Il manque cependant à cette couronne son plus beau fleuron. Monsieur de La Rochefoucauld va entrer en scène. Ce seigneur était à la fois noble, romanesque et célèbre. N'avait-il pas écrit les Maximes ? On conçoit que Madame de Lafayette dut faire son possible pour attirer dans sa cour cette nouvelle et illustre recrue. Il y vint et il y resta 25 ans. Pendant ce long bail, l'amitié de Madame de Lafayette et du duc de La Rochefoucauld ne se dément pas un seul jour. Madame de Lafayette fait des visites, va à Saint-Germain remercier le roi d'une pension de 500 écus qu'il vient encore de lui octroyer sur une abbaye, intrigue pour ses enfants qu'elle arrive à faire pourvoir très avantageusement, malgré les frasques du jeune militaire. Son mari, il est mort, discrètement, tranquillement, comme il a vécu. Malheureusement, dans toutes les existences les mieux organisées, arrive toujours la période des malheurs et des difficultés. La santé de Madame de Lafayette devenait mauvaise et paralysait ses désirs et ses ambitions. Un de ses fils lui donnait pas mal de soucis, et enfin elle perdait son ami le duc de La Rochefoucauld, cet ami dont elle disait « Il m'a donné de l'esprit, mais j'ai réformé son cœur ». Cette mort modifia profondément le caractère de Madame de Lafayette et sa façon de vivre. La mondaine, la femme d'esprit, la femme habile à user de son influence, disparaissait pour faire place à la dame austère dont les pratiques de dévotion suffisaient à remplir l'existence naguère si brillante. Elle mourut en 1692, dans sa 60e année, et sitôt qu'elle fut disparue, on se rendit compte de la place considérable qu'elle tenait dans la société. Ses romans marquent une étape dans la littérature. Selon Marmontel et La Harpe, la princesse de Clèves est ce que l'esprit d'une femme pouvait produire de plus adroit et de plus délicat. Femme du monde délicieuse et habile, écrivain de talent, mère dévouée, amie adorée, on le voit, Madame de Lafayette est un modèle complet de la femme de lettres au XVIIe siècle. Jules Chancel.